c'est un reggae. Ou un ska. C'est toujours pas si c'est différent, ça. La nuit, dans les régions sous-peuplées, quand profondément on s'ennuie, on développe des allergies. Ça occupe, car il faut trouver les médicaments qui guérissent facilement, oui, mais pas trop rapidement. Car sinon après ça continue, et quoi faire on ne sait plus, et on a la flemme de fabriquer non plus. Car il faut le dire, ça prend du temps. Et puis parlons franchement, ben, c'est pas hyper captivant. Oh bah non, il faut des activités, car il faut bien s'occuper dans les régions sous-peuplées. Après, il y en a qui aiment, je critique pas. Chacun ses petits plaisirs à soi. On a nos goûts et puis voilà. Par exemple moi, je collectionne les croûtes de fromage. J'en ai déjà 250 à mon âge. C'est presque aussi beau que mon visage. Et puis très vite on oublie qu'on est tout seul ici avec sa culture de certifié. Et qu'il n'y a personne à côté, que le voisin s'est jamais cassé. Il est juste jamais arrivé. Oh bah non ! Dans les régions sous-peuplées, il faut des activités, car il faut bien s'occuper. Dehors les groupies.